Les yeux sont magiques, un passe archipel. Défendre la liberté, c'est un droit éternel. Il y a des citoyens qui suivent les lois, cherchant la justice sans peur ni froid. Mais ils sont émigrés pour leurs convictions. Ils méritent respect et notre admiration. Les cœurs sont courageux dans ce coin de ciel. Ils marchent pour la paix, pour un monde plus réel. Mais les voix se lèvent pour les faire taire. Ils restent debout face à cette misère. Oh, oh, oh. Mais ils sont dénigrés pour leur conviction. Ils méritent respect et notre admiration. Admiration.